Avec la lumière du matin, Ride est-ce qu'il est là pour mettre la bonne vibe. Les viewers se connectent, l'énergie circule. Ensemble on surfe là où le rythme nous met. Je lance le beat, le chat s'anime. Chaque message, une étincelle pour raviver. Pas de truc flashy, juste une vraie connexion. Construire des moments sans besoin de perfection. Les viewers rassemblés, la famille grandit. Dans chaque stream l'histoire s'écrit. La base vibre fort, la vibe est chaleureuse. Ride est-ce qu'il guide à travers chaque tempête. Surfe la vibe, ressent le stream quand l'ensemble. Avec des amis jusqu'à s'illumine, la fête explose. On surfe sur la route du stream. Chaque rire, chaque cri construit la vibe. Sans aucun doute, ici pas de faux, juste de vraies vibes. Dans ce stream, l'énergie survit. Ride is kill, balance le son juste parfait. Nous guidons de jour comme de nuit, oui. Je surfe la vague, je sens le stream. Courant ensemble, on vit le rêve. La basse fera fort, les voix s'entrelacent. Sur Twitch avec des amis jusqu'à la fin. Chaque instant compte, chaque beat. Le live est chaud, la vibe est complète. On rigole, on s'encourage, on se clash parfois. Mais on revient toujours, le fun est roi. Les viewers unis, la famille est forte. Dans ce stream, on a tous notre place. Le flow monte, la nuit s'enflamme. Ride is kill brille, la vibe est parfaite. Une pause douce, un souffle à partager. Le stream continue avec soin et légèreté. Demain arrive un nouveau départ avec Ride is kill proche du cœur. Je surfe la vague, je sens le stream. Qu'on ensemble on vit le rêve. Ouais la basse fera fort, les voix s'entreclassent. Sur Twitch avec des amis jusqu'à la fin. Souris, on partage, on reste près. Quand la team ride a ski. Moi et toi. Yeah, yeah, yeah. Toi, hein. Vivant le rêve.